auditeur attentif et fidèle de la méthode scientifique, si vous aviez prêté l'oreille à l'émission consacrée à l'homme de Florès au mois de janvier dernier, vous aviez quasiment eu le scoop en direct à demi-mot, celui de la publication il y a 15 jours de la découverte d'une nouvelle espèce humaine, Homo luzonensis, découverte sur l'île de Luzon aux Philippines après de longues années de fouilles et de datation. Une espèce qui a existé en même temps que Sapiens, Denisova, Néandertal et surtout Florès sur une autre île indonésienne non loin et qui pose un grand nombre de questions sur nos origines et sur ce berceau de plus en plus fertile de l'humanité qu'est l'Asie du Sud-Est. Homo luzonensis, la famille s'agrandit, c'est le programme insulaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour nous raconter les circonstances de la découverte de cette nouvelle espèce, mais aussi pourquoi et comment le sud-est asiatique est en train de bouleverser notre arbre paléogénéalogique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Florian Détroit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle en paléoanthropologie dans l'équipe PaléoFED. C'est vous le premier signataire de cette étude publiée par l'équipe pluridisciplinaire mixte CNRS-MNHN qui a découvert donc cet Homo luzonensis. Et bonjour Thomas Ngiko. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en paléoanthropologie dans l'équipe préhistoire tropicale au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous avez également travaillé sur cette zone à des époques antérieures pour avoir un panorama de tout ce qui se passait au niveau du peuplement des hominines dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Vous pouvez suivre comme chaque jour cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur franceculture.fr ou en balado-diffusion ou en podcast via votre application préférée. Et donc pour commencer, Florent Détroit, je le disais à l'instant, vous étiez notre invité fin janvier pour parler de l'homme de Florès. On va se faire reluire un peu quand même, parce que à la fin de l'émission, vous nous aviez glissé quelques indices. La prochaine étape, c'est de montrer que l'Asie du Sud-Est, ça a été un laboratoire fantastique pour l'évolution des hominines. On l'entreaperçoit bien maintenant avec le cas de Florès. On commence à l'apercevoir pour le cas d'autres îles. Mais voilà, c'est là qu'est l'avenir de la paléanthropologie. Et voilà, on avait promis de suivre cette histoire, cette découverte. Voilà chose faite, puisque donc le 11 avril au matin, au lendemain de l'embargo qui planait avant la publication de cet article dans la revue Nature, la matinale de Guillaume Herner. C'est rien moins qu'une nouvelle espèce humaine dont la revue Nature se fait aujourd'hui l'écho. Alors cette nouvelle espèce s'appelle Homo luzonensis, elle a été découverte sur une île aux Philippines, celle de Luzon, d'où son nom. L'Homo luzonensis aurait au moins 50 000 ans. Au moins 50 000 ans, on va revenir sur cette découverte, mais Florent Détroit, j'ai envie de vous demander, 15 jours après, on découvre pas une nouvelle espèce humaine tous les jours. Quel est votre regard sur ce parcours et cet embargo interminable qui a duré et qui a tenu jusqu'au 10 avril? Oui, l'embargo interminable, ça c'est vrai. En même temps, c'est des journées bien occupées, hein, parce que c'est sous embargo, mais il y a plein de choses à préparer, en particulier au niveau de la presse, des médias. Nature aussi a fait pas mal de communication derrière, donc ça faisait beaucoup d'échanges. Et comment on se sent, un petit coup de fatigue après le rush, les plateaux et les journalistes. Et on se sent plutôt bien parce que c'est vrai que c'est quand même une belle aventure, une belle publication sur des belles découvertes. Et puis quelque chose qui fait aussi très plaisir, c'est de voir que c'est plutôt bien accepté, et puis que ça entraîne des discussions vraiment intéressantes. Et donc c'est le but, hein, quelque part. Thomas Ngiko, ça faisait quelques semaines que la rumeur bruissait dans le monde de la paléoanthropologie. Comment est-ce que vous l'avez accueilli, vous, cette nouvelle, cette publication? Oh, c'était une très bonne nouvelle. Bon, j'ai eu la chance de voir les fossiles même un peu avant qu'ils soient publiés, je l'avoue. Quelques mois avant, voire même un peu plus, puisque j'étais moi-même aux Philippines et le collègue philippin me les avait montrés, également Florent Détroit me les avait montrés. Donc tout ça était déjà très convaincant sur pièce, donc évidemment avec la publication, je suis convaincu. Alors on va reparler un peu de toute cette aventure, parce que Florent Détroit, vous nous le disiez à demi-mot dans cette première émission de fin janvier, c'est une aventure extrêmement longue. Les premiers jalons, ça remonte à quand, 10-15 ans? Oui, Alors ça dépend à quel moment de l'aventure on remonte. C'est vrai que, ben, comme Thomas, j'ai pas mal travaillé aux Philippines, j'allais dire bien avant cette aventure de Moulousonensis, notamment sur ce qui était mon cœur de ma recherche, sur les Homo sapiens, les plus anciens, essayer de comprendre l'arrivée des Homo sapiens aux Philippines. Donc ça faisait quand même quelques années, depuis 2005-2006, que je suis allé plusieurs fois aux Philippines. Et le déclenchement vraiment de la découverte des fossiles que nous avons décrits comme cette nouvelle espèce Homo lusonensis, ça remonte à 2003, donc j'y étais pas, c'est notre collègue Armand Mirales de l'Université des Philippines qui avait réouvert des petites fouilles, une petite fouille dans la grotte de Calao. À l'époque, il faisait sa thèse en fait sur des outils de pierre taillée provenant de toutes les grottes alentour. Et puis, il s'était dit, c'est bizarre quand même, cette grande grotte de Calao, elle renferme sûrement des choses intéressantes. Donc, en 2003, il fait ses fouilles. J'allais dire qu'il trouve pas grand chose. C'est pas vrai, parce qu'il a quand même identifié à ce moment-là un niveau d'habitat, probablement d'Homo sapiens, daté de 25 000 ans. 25 000 ans, c'est déjà vieux pour les Philippines par rapport à ce qu'on en connaissait jusqu'alors, ce qui l'avait pas mal motivé. Et puis, le temps s'est écoulé, il a soutenu sa thèse. Et puis il est retourné en 2007, et entre 2003 et 2007, il s'était produit quelque chose de très important dans le monde de la science, de la recherche en préhistoire, la découverte d'Homo floresiensis sur l'île de Flores en Indonésie. Et il s'était dit finalement, si on faisait la même chose à Calao, c'est-à-dire si on essayait d'aller profond, plus profond que tous les Philippins, tous les collègues ne l'ont fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'on trouverait pas quelque chose? Et donc c'est ce qu'il a fait, très motivé, il a creusé profond en 2007, et c'est là qu'il a trouvé le premier fossile qui appartient maintenant à l'espèce Homo lusonensis, ce premier os de pied, ce métatarsien, qu'on avait décrit et publié en 2010. Thomas Ingico, en fait, il y a tout un pan de la recherche en paléanthropologie. Il y a effectivement Flores, il y a vos travaux aussi qui ont été publiés l'année dernière dans Nature. Alors, vous, ce ne sont pas des fossiles humains, mais en tout cas, ce sont des traces d'activité humaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un effort de recherche qui se porte. Vous pouvez nous raconter un peu en quoi consistent vos publications? Oui, alors quand ils ont déjà publié le métatarse, c'est-à-dire l'os du pied de Calao, où on avait déjà le sentiment qu'il y avait quelque chose de différent, possiblement vers 67 000 ans aux Philippines, logiquement, s'il y a quelque chose de différent, si c'est une autre espèce, même si elle n'était pas publiée telle qu'elle à l'époque, cela veut dire que on a une évolution locale et qu'il est arrivé un peu avant. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus simple. Donc, logiquement, il fallait aller chercher dans les terrains plus anciens. Il y avait des terrains plus anciens connus depuis les années 30, dans le nord des Philippines, en fait pas très loin de Calao, hein, quelques kilomètres à vol d'oiseau, et à l'ouest de la grotte de Calao, et on avait des fossiles en surface de mégafaune, c'est-à-dire rhinocéros, éléphants, qui sont aujourd'hui éteints aux Philippines, et en association, mais en surface, des outils. Mais comme c'était en surface, il y a pu avoir un mélange au cours du temps, du fait de l'érosion, tout ça, ces différents niveaux auraient pu être compactés. Donc il fallait trouver en contexte, donc nous avons fouillé en 2014, et c'est là que nous avons trouvé des outils associés principalement à un squelette presque complet de rhinocéros, qui avait lui des traces de découpe, et des traces de percussions sur les os, donc des coupes pour enlever les chairs et de percussions pour récupérer probablement la moelle dans les os. Donc c'était la preuve par les outils taillés que quelqu'un était là et par les traces de découpe que quelqu'un a consommé du rhinocéros. Et nous avons daté tout cela, notamment le rhinocéros. Donc en datant le rhinocéros, on a daté les traces de découpe et on a obtenu un âge de 700 000 ans. Donc 10 fois plus ancien que Calao, c'est bien la preuve qu'il y avait quelque chose avant. Est-ce que les deux sont liés? Ça, c'est une autre question. Ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que ça, on a évidemment très envie de construire la narration et de tirer un fil direct. On va voir que c'est essayer de comprendre pourquoi c'est plus compliqué. Calao, comment ça se passe en fait, Laurent Détroit, le point de départ, c'est pourquoi cette grotte-là? Qu'est-ce qui vous emmène à cet endroit-là précisément? Et comment est-ce que finalement, couche après couche, vous finissez par tomber sur ces différents ossements? Pourquoi cette grotte-là? Parce que effectivement, dans la région, il y a plein de grottes dans ce massif calcaire. C'est la plus belle, la plus majestueuse, la plus grande. C'est avant tout un site touristique. Hein. Tous les Philippins connaissent la grotte de Calao bien avant qu'elle soit reconnue pour son archéologie et sa préhistoire. C'est une grotte majestueuse. Il y a 7 chambres successives. Certaines sont totalement effondrées. Il y a des stalactites et des stalagmites géantes. C'est un très beau lieu. Et donc c'est ce qui avait incité notre collègue philippin à aller dans cette grotte-là pour essayer de trouver des choses. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment en 2007 qu'il a atteint ce niveau à force de motivation et de persévérance pour creuser plus profond, ce petit niveau où il y avait avant tout des ossements d'animaux et des dents d'animaux, au sein desquels a été identifié ce petit os de pied, ce petit métatarsien, ce niveau de fossile qui contient les fossiles, il était quand même situé sous pratiquement 2,50 m d'argile totalement stérile, donc il y avait rien dedans, donc ça veut dire qu'il... il y avait la persévérance, il fallait continuer à creuser en essayant de trouver quelque chose. Il faut expliquer que quand on trouve en paléontologie des couches stériles, en général on abandonne parce qu'on se dit bon bah il y a plus rien, c'est donc que c'est désert quoi. Souvent on se décourage, surtout au bout de 2,50 m d'argile compacte qui sont pas faciles à enlever. Surtout que en 2007, ils savaient pas qu'il y avait quelque chose en dessous. La situation était bien différente quand on y est retourné en 2011 avec les fouilles organisées d'un peu plus grande envergure. Là, on savait vraiment le niveau qu'on voulait atteindre et on savait ce qu'on cherchait. Donc là, effectivement, au niveau de la motivation, c'est tout différent. On a beaucoup plus d'envie de traverser ces fameux 2,50 m d'argile stérile pour arriver dans ce niveau-là. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h12 dans la méthode scientifique, nous parlons donc de cette nouvelle espèce d'hominine Homo luzonensis, dont la découverte a été publiée il y a 15 jours dans la revue Nature. De quel matériel disposez-vous exactement, Florent Détroit, pour qualifier cette nouvelle espèce et pourquoi est-ce que vous avez, à quel moment vous êtes rendu compte que ça n'était pas Flores, que ça n'était pas Sapiens, que c'était autre chose? On a toute une série d'éléments. Ça représente 13 éléments fossiles en tout, 13 éléments qui correspondent à au moins 3 individus différents, 2 individus adultes et un enfant. Alors c'est beaucoup et c'est pas beaucoup à la fois, 13 éléments. C'est beaucoup quand même par la diversité des types de restes, puisqu'on a des dents, on a des phalanges, des mains, des phalanges des pieds, on a un fragment de fémur aussi. Et comment on s'est rendu compte que c'était quelque chose de différent? À deux moments, en fait, assez vite sur le terrain, en fait, dès les découvertes de certaines dents, par exemple les prémolaires, là, qui sont toutes petites avec les 3 racines, je m'en souviens très très bien de ce moment-là, où j'étais sur le carré de fouille et nettoyer un petit peu avec le bout du doigt, là, et voir ces 3 racines et de me dire, oulala, 3 racines sur une toute petite prémolaire. 3 racines, c'est des caractères très très primitifs pour les hominines. Ça nous ramène à Australopithecus ou au moins à Homo habilis, Homo erectus, donc des choses très anciennes. Parce que Homo sapiens, le nombre de racines sur ces prémolaires, c'est... En général, une, parfois deux. Mais 3, en très très faible fréquence, on a cité, c'est 1 à 2%, je crois, dans la population actuelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très très rare. Et là, ça s'est complété, c'est-à-dire qu'on a retrouvé d'autres prémolaires qui avaient également 3 racines, et puis on avait aussi cette fameuse petite phalange de pied. Pareil, ça, dès la découverte sur le terrain, une petite phalange de pied qui est courbe, qui présente des marques d'insertion très fortes pour les fléchisseurs des pieds. Ça, sont encore une fois des caractères très primitifs qui servent à quoi? Bah, qui servent à fléchir les pieds et donc à attraper avec les pieds. Alors, ça, c'était toutes les premières impressions de se dire, il y a quelque chose là. Après, évidemment, ça a demandé beaucoup d'efforts d'analyse, beaucoup de temps. Là aussi, on est sur le temps long de la recherche en préhistoire. Il faut du temps. Donc, la plupart des découvertes effectuées en 2011, la publication en 2019. Voilà, il faut beaucoup de temps. Et à chaque étape, à chaque moment de cette analyse, on s'est rendu compte que tous nos caractères, pris un par un, ces caractères, quand on les compare, évidemment, on va trouver des similitudes avec telle ou telle espèce d'hominine qui existe déjà, et en particulier dans le genre Homo. C'est ce qui nous indique que c'est clairement un hominine et même clairement un représentant du genre Homo. Après, quand on combine toutes ces caractéristiques, tous ces caractères, on se rend compte que tous les caractères pour un élément et puis tous les éléments combinés ensemble, et ben là, ça ne correspond à aucune des espèces qu'on connaissait jusqu'alors, d'où la décision de décrire sous le nom d'une nouvelle espèce, Homo luzonensis. En sachant que, pour le coup, dans l'état actuel des choses, vous n'avez pu prélever aucune trace ADN sur ces ossements. ADN, non, ça n'a pas marché. On a essayé, bien sûr. Ça n'a pas marché. Alors, c'est vrai que c'était malheureusement pas une très grande surprise. C'est ancien, c'est plus de 50 000 ans. C'est surtout un contexte tropical. C'est chaud, humide, avec en plus probablement des conditions de dépôt des fossiles sous l'action de l'eau à l'intérieur de la grotte, du ruissellement de l'eau le long de la paroi. Donc les, on va dire, les pires conditions pour la préservation de l'ADN. Alors cela dit, on perd pas espoir, je suis même assez convaincu que ça va marcher dans pas très longtemps. Pas très longtemps, ça peut être l'année prochaine ou dans 10 ans, mais on a vu commencer à arriver les premiers résultats positifs sur des homo sapiens, pas très anciens, mais des homo sapiens de cette Asie tropicale qui jusqu'à maintenant était donné des échecs sur échec, et maintenant on commence à voir les premiers résultats arriver. Donc, je pense que ça viendra un jour. Les techniques de séquençage et de prélèvement deviennent plus précises et on peut avoir accès à des brins plus abîmés ou... Voilà, globalement, je suis pas généticien, mais d'après ce que j'ai compris de ce que nous expliquent nos collègues, il y a à la fois une amélioration des outils, des équipements, qui arrivent à pêcher de plus petits fragments, et puis surtout aussi au niveau méthodo et théorique, arriver à mieux reconstruire à partir de ces tout petits fragments épars, arriver à reconstruire des morceaux de séquences qui ont du sens, quoi, en fait. Un mot peut-être sur la datation, et ensuite j'aimerais justement que vous me parliez l'un et l'autre un peu de ces travaux de fouilles sur le terrain. Thomas Ndjiko aussi, de ce qui s'est passé sur le site de Kalinga, qui est un site en plein air, c'est des circonstances assez différentes, vous allez nous en dire un mot, mais juste la datation aujourd'hui, quelles sont les méthodes que vous utilisez, Florent Détroit, pour dater de façon certaine, on dit entre moins 50 et moins 67 000 ans ces ossements? Alors les méthodes de datation, dans notre cas, c'est assez particulier parce que, enfin, c'est assez particulier, pas tant que ça finalement, malheureusement. Mais toutes les méthodes qu'on a essayées sur les sédiments, surtout sur d'autres éléments fossiles, ont échoué. La seule qui fonctionne, c'est la méthode des séries de l'uranium, c'est l'uranium thorium, qui nous a permis de dater directement deux des fossiles, d'Homo lusonensis, et deux autres dents d'animaux de cerfs qui étaient contenus dans le même niveau. Et les âges obtenus par les méthodes de l'uranium sont des âges qu'on dit des âges minimum. C'est-à-dire que dans notre cas, un des éléments, le métatarsien, a donné un âge de 67 000 ans ou plus, c'est-à-dire il date de 67 000 ans ou plus ancien, et une dent nous a donné un âge de 50 000 ans ou plus ancien. Alors, on a d'autres dates qu'on va probablement bientôt publier, espérons, qui nous indiquent qu'on est bien dans cette fourchette, voire même un peu plus ancien. Mais voilà, j'allais dire que c'est la seule méthode qui nous restait, heureusement, hein, qu'on a réussi à avoir quand même une de ces méthodes de datation qui a fonctionné. Mais voilà, dans notre cas, c'est vraiment la seule méthode qui était utilisable. Comment ça s'est passé à Kalinga, Thomas Ndjiko, vous, pour obtenir cette datation de 700 000 ans? C'est les mêmes types de méthodes, c'est difficile de dater, puisqu'on a tendance à penser que plus on remonte dans le temps, et quand on n'a pas de traces ADN, la datation c'est toujours très problématique. En général, elles sont souvent contredites, ou en tout cas questionnées, interrogées. Alors c'est exactement la même méthode pour la date directe sur le rhinocéros, les séries d'uranium, combinée à une autre méthode qu'on appelle le SR ou RPE en français, résonance paramagnétique et électronique, qui va en fait compter l'accumulation des électrons dans les défauts des structures cristallines. Donc ça peut être les mailles, ça peut être les quartz. Donc puis sur les mailles, on a appliqué cette méthode, et puis également sur les quartz des niveaux sédimentaires. Et on obtient des âges qui sont tout à fait comparables. Donc on est plutôt confiant sur les méthodes. La différence avec le site de Callao, effectivement, nous sommes plus anciens, donc on va avoir une fourchette d'erreur, parce qu'on donne un âge, on dit 700 000, mais en fait c'est 700 000 plus ou moins quelque chose. Et va être plus grande. Donc à Callao, ils avaient eu un âge de 67 000 plus ou moins 1000 ans. Nous, on est à 700 000 plus ou moins 60 000 ans, 70 000 ans. Donc on a une fourchette d'erreur plus grande, un âge certain moindre, mais sinon la méthode est la même, exactement la même. Comment vous en êtes, vous, arrivé à ce site de Kalinga? Qu'est-ce qui vous a mis, pareil, je vous posais la même question qu'à Florent Détroit, qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste, sur cet endroit, et sur ce site de fouilles pour arriver jusqu'à ces autres rhinocéros? Alors en 2014, j'étais en poste aux Philippines, où j'enseignais, et nous avons transféré de bâtiments. Et en transfert de bâtiment, la bibliothèque a été déménagée et les jeunes étudiants ont été mis à contribution pour aider à déménager la bibliothèque et notamment à faire le tri pour éviter de garder des vieilleries. Je ne sais pas s'il existe des vieilleries dans une bibliothèque, mais toujours est-il que c'était le choix des collègues philippins qui dirigeaient la bibliothèque. Et un de mes collègues, un de mes assistants dans le laboratoire, qui s'appelle Noël Amano, et qui est maintenant au Max Planck à Iéna, en Allemagne, est tombé sur des archives qui dataient des années 1930 et notamment une carte au trésor, hein, sauf que à la place de or ou argent ou quoi que ce soit, c'était écrit fossile, ce qui servit en même pour un archéologue. Il m'a dit là, il y a quelque chose d'intéressant. Donc on a vu ça et on s'est de nouveau intéressé à cette région qui était pas totalement tombée dans l'oubli, hein, qui était quand même connue. Et donc nous sommes retournés sur place. Et c'est comme ça qu'on a trouvé plein de choses en surface et qu'on s'est dit il va falloir fouiller et trouver quelque chose en contexte, parce qu'on était convaincus de trouver des choses en contexte. Ce qui est intéressant, c'est que, alors là aussi, on ne va pas commencer à faire des rapprochements trop hasardeux, mais néanmoins, c'est difficile de ne pas comparer les deux. Vous nous direz tout à l'heure qu'effectivement, Luzonensis et Flores sont certainement très très distincts, et pourquoi ils sont distincts, mais il y a sur Flores un autre site, le site de Matamengue, où on trouve des traces de boucherie à peu près à la même époque. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on commence tout de même, grâce à ces découvertes multiples, à avoir des schémas même encore grossiers, mais on commence tout de même à avoir des schémas, Thomas Njiko. Oui, on a plusieurs évidences de traversée de bras de mer avant la période supposée d'arrivée d'Homo sapiens dans la région. Quelle époque On a maintenant à Sumatra un âge à 73 000 ans, on a en Australie un âge à 60 000 ans par là, donc on a quelque chose qui converge. Aux Philippines, on est autour de 35 000 ans. Que ce soit à Callao d'ailleurs ou sur l'île de Palawan, on est dans ces âges-là, peut-être un peu plus ancien à Palawan. Mais... Donc on a des preuves évidentes de traversée de bras de mer avant l'arrivée d'Homo sapiens qui sont répétées. Ça reste à déterminer, mais qui sont répétées à Sulawesi, qui est située entre les Philippines et l'île de Flores, hein, juste au centre, sur un axe nord-sud. On a des traces à 300 000 ans, donc on a plusieurs preuves comme ça de traversée qui convergent effectivement. Et il y a un point commun entre Flores et Luzon, c'est que, a priori, dans l'état actuel de nos connaissances, Florent Détroit, ce sont des îles qui n'ont jamais été accessibles à pied sec, parce que la Terre a, vous allez nous préciser ça, mais la Terre a connu un âge glaciaire à un moment donné qui a laissé vraisemblablement accès, parce que le niveau des mers a baissé, à pied sec à l'île de Java en Indonésie, mais pour les Philippines, pour Flores et pour Luzon, a priori ces îles ont toujours été entourées d'eau. A priori, on en est même quasiment certain. Alors on n'est jamais à l'abri de surprises, mais là, dans ce cas-là, on en est pratiquement certain. Pourquoi ? Parce que, donc, comme vous le disiez, tout au long du Quaternaire, le Quaternaire est caractérisé par ces alternances de périodes glaciaires et interglaciaires. Alors évidemment, en Asie du Sud-Est, il n'y avait pas les glaces polaires, mais ces glaces qui augmentent au pôle, c'est de l'eau de mer qui s'en va, donc le niveau de la mer baisse, et ce qui fait que de façon très répétée tout au long du Quaternaire, donc la période pendant laquelle ont vécu les hommes préhistoriques, la mer de Chine, qui est au large de Java, de Bornéo et de Sumatra, s'est abaissée et était complètement asséchée. Ce qui explique la présence des Homo erectus en probablement assez grand nombre sur l'île de Java, qui à l'époque n'était donc pas une île à de multiples reprises. Par contre, la situation, elle est totalement différente pour l'île de Flores, donc en Indonésie, et pour l'île de Luzon aux Philippines, comme toutes les îles des Philippines d'ailleurs, puisque là, ces îles sont séparées par des bras de mer extrêmement profonds, hein. Ce sont les fosses de la zone qu'on appelle la zone de Wallace, puisque le premier qui a constaté ça, c'était Alfred Russel Wallace, hein, au 19e siècle, par l'observation des faunes, des animaux, des papillons, des plantes, où il a constaté qu'il y avait une vraie différence entre ce qu'on trouvait sur le continent et y compris Bornéo, Java, Sumatra. Par contre, si on allait plus loin, tout à coup, c'était complètement différent. Et puis, si on allait encore plus loin en Australie, c'était vraiment encore complètement différent. Donc, on en est quasi sûr. C'est impossible d'arriver à Luzon ou à Flores à pied sec. Alors, on examinera un peu les différentes hypothèses tout à l'heure, mais aujourd'hui, bon, alors, ça a l'air très proche, Flores et Luzon, c'est tout de même 3000 km d'écart, oui, donc c'est très loin, surtout, sans aucun moyen de locomotion particulier. Vous dites, Florent Détroit, que globalement, tout est différent entre les deux espèces. C'est-à-dire qu'en termes d'anthropologie pure, l'homme de Flores et l'homme de Luzon seraient, ou les femmes, d'ailleurs, toujours, comme d'habitude, seraient vraiment morphologiquement très distincts les uns des autres. Effectivement, dans toutes les comparaisons qu'on a faites, on a trouvé à chaque fois, sur chaque élément, sur les dents, sur les phalanges, des différences assez fortes entre Homo lusonensis et Homo floresiensis. Alors un point important par rapport à ce que vous venez de préciser, hein, homme ou femme, en paléontologie, ça reste une grande question et un petit, pas un problème, mais c'est-à-dire qu'on a toujours une vision très étroite de la variabilité, hein, puisqu'on se base sur un petit nombre d'individus, faible variabilité et surtout dimorphisme sexuel, homme-femme, on n'a pas trop d'idées. Mais les caractères qu'on a observés, en particulier sur les dents, c'est des caractères qu'on connaît très très bien. On connaît leur mode de, on va dire, leur mode d'évolution. Le fait que ces caractères soient très très stables chez les hominines, au sein d'une espèce, telle espèce va avoir telle caractéristique que n'aura pas telle autre. C'est des choses très très stables d'un point de vue taxonomique. Et donc là, très clairement, on a toute une série de caractères qui différencient Homo lusonensis d'Homo floresiensis, puisque vous vous doutez bien qu'on a dû mettre le paquet sur les, les analyses et les comparaisons, parce que, évidemment, tout le monde pensait à ça. Alors, il y a tout de même un grand point commun, c'est ce qu'on appelle le nanisme insulaire. Vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit, et puis nous dire quelles sont ces divergences qui ne laissent aucun doute au fait qu'il ne s'agit vraisemblablement non seulement pas de la même espèce, mais qu'en plus, ces espèces-là ne se sont vraisemblablement jamais côtoyé. Oui, alors le nanisme insulaire, ou plus généralement ce qu'on appelle l'endémisme insulaire, c'est un mode d'évolution qu'on connaît très très bien en paléontologie, dans les petites îles de Méditerranée par exemple. C'est des grands classiques, c'est-à-dire on constate que les animaux qui vivent, les animaux ou pour les hominines, les hommes hein, dans notre cas, qui vivent sur une île, très très vite vont se différencier des populations sources qui sont restées sur le continent. Il y a plusieurs effets qui jouent là-dedans. Le premier, c'est l'effet dit fondateur, c'est-à-dire que la population de départ sur le continent, il n'y a qu'un petit nombre d'individus qui vont réussir à franchir le bras de mer et à s'installer sur l'île. Donc ça ne représente qu'une toute petite partie de la variabilité génétique et morphologique. Et puis ensuite, il y a un effet donc d'endogamie, on va dire, pour simplifier, ce qui va provoquer en général une dérive génétique et qui s'exprime de façon morphologique très forte et souvent très rapide. Et tout ça, ça se passe dans des conditions de pression de sélection, des contraintes évolutives qui sont souvent très singulières dans les milieux insulaires. Par exemple, une des choses qu'on connaît le mieux, il n'y a pas de grands carnivores sur les îles. Alors, il n'y a pas de grands carnivores parce qu'il n'y a pas assez de proies, il n'y a pas assez de ressources alimentaires disponibles. Comme il n'y a pas de grands carnivores et que par ailleurs, les ressources alimentaires sont globalement restreintes hein, dans une île, quand on est un très gros animal, on n'a plus aucun intérêt à être très gros. On n'a pas besoin de se protéger des carnivores. Et puis, il faut beaucoup de nourriture pour alimenter un gros corps. Donc, petit à petit, ça va plutôt, la sélection va acter pour aller vers un sens d'une réduction de taille de corpulence. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît très très bien depuis très longtemps chez les éléphants par exemple, chez les hippopotames. Chez les rhinocéros. Chez les rhinocéros, même s'il n'était pas forcément petit celui de Kalinga. Mais, et c'est quelque chose qu'on connaît maintenant depuis Homo floresiensis et maintenant Homo lusonensis chez les hommes. Visiblement, les hommes soumis aux mêmes effets, aux mêmes contraintes, vont avoir tendance à montrer cette dérive vers une réduction de taille. Alors qu'on appelle nanisme, c'est dérivé de la paléontologie, où on a toujours parlé des éléphants nains, des hippopotames nains, sauf que quand on l'applique à l'homme, c'est plutôt très mal choisi comme expression. Des hommes de petite corpulence, bon, bref, il y a une réduction de la taille qui est très très drastique dans le cas d'Homo floresiensis, puisqu'on a un squelette subcomplet, donc on voit bien que c'était adulte, un individu qui mesurait à peine un mètre, vraiment tout tout petit. Et pour le cas de lusonensis ? Pour le cas de lusonensis, on n'a pas d'arguments aussi forts que ceux d'Homo floresiensis. Il nous faudrait par exemple un fémur. On a un fémur, mais c'est un fémur d'enfant. Il nous faudrait un fémur d'adulte, par exemple, pour avoir une estimation directe. On a quand même un indicateur au niveau des dents. Les dents sont toutes petites. Elles sont vraiment minuscules. Hein. C'est les plus petites. Les molaires sont plus petites que les molaires d'Homo sapiens, plus petites que les molaires d'Homo floresiensis. Et on sait que chez les primates, d'une manière générale, il y a une relation assez forte entre la taille des dents et la taille corporelle, on va dire. Donc probablement, Homo lusonensis était de petite taille. Il faut quand même faire attention, parce qu'il y a des exceptions à cette règle. les règles dans l'évolution, ça n'existe pas, mais il y en a en particulier chez les hominines, hein, par exemple Homo habilis qui était tout petit avec des très grosses dents. Donc voilà, c'est probablement un bon indicateur, mais voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. Et vous êtes venu avec des impressions 3D, justement, de ces fossiles d'Homo lucenensis. On les a pris en photo, on va pouvoir les partager avec nos auditeurs sur le fil Twitter de l'émission. As I turn back the pages of history to 1 million years before TV, picture yourself high on a mountaintop, where the show for tonight is a prehistoric hop. On sax is Harry the Hippo with big bulging eyes. When he blows a ballad, the whole jungle cries. Oh, yes, Harry. On pianos, Lefty the Lion, who plays with his tail. When he gets a-going, the lion chicks wail. Left-handed tail player. Now blowing guitar is Ken Kangaroo. When he plucks a triplet, the jungle birds coo. Oh, Kookaroonio. Now on bass is Pete the Panther, so handsome and sleek. When he plays a bass line, the teen panthers shriek. Now, girls, easy. Préhistorique Hop d'Al Collins sur France Culture à 16h30. Puisque nous parlons de cette nouvelle espèce de la grande famille du genre Homo lucenensis, dont l'existence a été publiée, eh bien, il y a 15 jours dans la revue Nature. Nous en parlons avec le principal signataire de l'étude, Florent Détroit, qui est maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle en paléoanthropologie dans l'équipe PaléoFED, et avec Thomas Ingico, qui est maître de conférence également au Muséum National d'Histoire Naturelle en paléoanthropologie dans l'équipe Préhistoire Tropicale. Alors, eh bien, comment faire parler des ossements comme quand on dispose, comme vous l'avez entendu, de peu d'éléments, que l'ADN reste résolument silencieux? Eh bien, il y a finalement beaucoup de façons de le faire, notamment en tâchant de reconstituer la mobilité des individus en fonction de la structure de leurs os. Bonjour Tom Imdenstock. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au Musée de l'Homme pour comprendre, eh bien, comment on reconstitue les modes de locomotion de nos ancêtres à partir de leurs ossements. Et j'ai rencontré Gilles Berillon, qui est paléo-anthropologue. Il recompose le type de locomotion qu'avaient nos ancêtres à l'aide de leurs fossiles. Selon la taille des os, leur usure ou leur courbure, on peut se risquer à dire s'ils étaient bipèdes ou encore s'ils grimpaient aux arbres. Et quand les os seuls ne suffisent pas, son équipe conçoit des modèles numériques qui permettent de simuler des locomotions bipèdes à partir d'informations anatomiques partielles. Pour valider ces modèles, il les teste avec des primates et même des êtres humains. Alors moi, ce que j'ai sous la main, là, ce sont des os de pied. Là, ce que j'ai ici, ce sont des copies, des moulages. Et là, vous avez un pied qui s'appelle OH8, pour Olduvai Hominid 8, qui a été trouvé début des années 60 en Tanzanie, sur le site d'Olduvai, et qui est un pied presque complet qui a été associé à l'espèce Homo habilis. Ce pied, dont la structure est comparable à celle d'un pied moderne qui se déplace en bipède, avec une voûte plantaire, manifestement, des orteils parallèles. Il est daté d'1,8 million d'années. On a essayé de comprendre quel était l'intérêt d'avoir un orteil parallèle, un gros orteil parallèle aux autres. Donc il s'avère que mécaniquement, ça a un intérêt pour maintenir la structure globale du pied et par ailleurs pour assurer la propulsion du corps au moment de la marche bipède. Donc un gros orteil rigide, solide et assez développé et parallèle aux autres. Donc là, vous avez un peu comme un puzzle en 3D. Et quand vous le mettez en forme, en interaction, vous vous rendez compte que dans ses mécanismes, il est similaire aux pieds de l'homme d'aujourd'hui. Voilà, c'est un peu l'idée, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est un os de pied d'Éthiopie. C'est un métatarsien. Donc voilà, c'est un os qui a été trouvé isolément. Là, quand vous avez un os isolé, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et alors, comment vous faites à ce moment-là ? Vous devez essayer d'identifier des marqueurs, des traits morphologiques qui vont vous permettre de décrire ce que pouvait être la structure auquel cet os appartenait. Donc, vous allez regarder la courbure. Là, cet os, il est tout droit, hein. Il n'y a pas de courbure particulière. Vous allez regarder la position, l'orientation de la base, de la surface articulaire, sachant que cette surface, elle vient s'articuler avec la première partie du pied, là, qu'on appelle la partie proximale, donc le tarse. Et avec cet os-là, est-ce qu'on peut en déduire s'il avait des pieds préhenseurs, par exemple ? Est-ce que c'est suffisant ou pas pour en faire ce type de déduction ? Oui, avec celui-ci, précisément. Il faut faire attention à une relation trop directe entre une morphologie et une fonction. Quand vous avez une courbure d'orteil, une courbure de métatarsien, ça facilite. Mais quand vous ne l'avez pas, c'est peut-être plus compliqué, mais ça ne veut pas dire que vous ne le faites pas. D'où la difficulté de ne pas se contenter des fossiles pour déduire des démarches ou des modes de locomotion dans leur environnement. Donc depuis quelques années, on a essayé de structurer un projet qui vise à partant d'une connaissance anatomique fossile, à simuler une locomotion bipède plausible pour cette anatomie-là. L'idée, c'est que si on est capable de simuler une marche bipède chez l'homme et chez un primate non humain, à partir d'une information anatomique, alors celle qu'on va proposer pour les espèces passées, on peut considérer qu'elle est plausible. Et pour valider cette approche, on utilise donc les espèces actuelles. Et pour ça, on a besoin de données expérimentales. Et on a une station ici, station de travail, qui nous permet de reconstruire et d'animer les os les uns par rapport aux autres pour mieux comprendre les interactions et les os en mouvement, si vous voulez. Voilà. Okay, on y va ? Vous pouvez me le montrer ? Alors ici, c'est une salle principalement dédiée au traitement des données. Ce sont des gros ordinateurs qui turbinent vraiment bien. Et pour de l'imagerie, il faut des grosses ressources informatiques. Donc là, je vous donne un exemple. Alors c'est pas mon travail proprement dit, c'est le travail qu'on encadre dans le cadre d'un stage qui concerne un pied d'homme de Néandertal. Ça, c'est un pied droit, vu du dessus, hein, vous reconnaissez ? Qui s'affiche sur votre écran ? Qui s'affiche sur l'écran en trois dimensions. Donc c'est un spécimen qui a été numérisé par microtomographie. Là déjà, il vous paraît bien articulé, mais en fait il n'est pas. Donc la première chose à faire, c'est de réarticuler tout ça. Et donc là, sous les yeux, on a une nouvelle image où finalement tout est reconstitué. On peut le mettre en articulation pour mieux comprendre sa façon de fonctionner. Voilà, exactement. Donc là, vous avez des os articulés les uns par rapport aux autres, hein, dans une position donnée. Voilà. Donc les orteils sont à plat, comme s'ils reposaient sur le sol, et le talon est ici. Donc vous imaginez relativement bien que le pied puisse s'appuyer ici sur sa face plantaire, en arrière sur le talon et en avant sur les orteils. Hein. Donc là, je vous amène dans la galerie où sont exposés présentés des moulages des principales espèces d'hominines. Et donc, vous avez diverses espèces variablement représentées. Et celle-ci, c'est la copie du fossile de Lucie qui appartient à l'espèce Australopithecus afarensis. Et là, justement, ouais. Comme on voit ce squelette ou cette reproduction de squelette, comment est-ce qu'on peut justement déduire sa démarche, sa posture, en la décrivant peut-être ? Quand vous avez un squelette partiel comme ça, ça vous permet déjà d'avoir une idée des proportions corporelles. Qui dit proportions corporelles aussi dit distribution des masses. Donc vous pouvez retrouver la position du tronc, retrouver la position de la masse, de l'avant-bras, du bras, de la cuisse, du pied, etc. Ça vous aide à comprendre l'équilibre locomoteur global. Ensuite, vous regardez la morphologie du pelvis ou du bassin. Vous avez le fémur. Vous voyez comment il se réarticule. Il est vers l'intérieur. Donc le genou, si vous voulez, est rapproché du centre du corps. Donc on a un genou qui est adducté. On a une jambe qui est verticale. Donc voilà, c'est tout ça va avec une position bipède érigée, habituelle. Ça n'empêche que, s'agissant d'Australopithecus afarensis, comme des autres espèces ici présentées d'ailleurs. Lorsque vous regardez ses mains, les phalanges, les métacarpiens, sont courbes. C'est interprété comme une aptitude à l'arboricolisme. Donc ce qu'il faut garder comme message, c'est qu'on peut très bien être bipède et arboricole. Donc, vous voulez dire que ce n'est pas parce qu'on se tient debout qu'on ne peut pas grimper dans les arbres, en fait? Bien sûr, oui. Voilà, exactement. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais sauf que dans l'idée collective qu'on se fait de nos ancêtres, on croit que quand on est arboricole, on ne peut pas être bipède. Non, la plupart des primates d'Afrique et d'Asie, et d'Eurasie, marchent en bipède de manière occasionnelle. Hein. Donc ils sont et ils ont d'autres aptitudes locomotrices. Donc on peut être bipède et avoir d'autres modes de locomoteur à côté. Voilà le reportage du jour sur, sur l'étude de la mobilité en fonction de la structure des os. Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Florent Détroit? C'est parfait. Je pense que merci. Par rapport à certains éléments caractères qu'on a observés sur les fossiles d'Homo lusonensis, on se pose toutes ces questions que Gilles Berrillon a abordées, en particulier donc ces éléments du pied, de façon très surprenante. Donc là, Homo lusonensis, on est aux Philippines il y a une soixantaine de milliers d'années. On a retrouvé plein de similitudes avec des caractères qui ne sont pas présents dans le genre homo, qu'on retrouve chez les Australopithecus, comme Australopithecus afarensis, qui était évoqué dans le reportage, qui vivait il y a 3 millions d'années en Afrique. Et ces caractères-là sont d'habitude interprétés comme la preuve que ces Australopithèques avaient des modes locomoteurs mixtes, hein, bipèdes au sol et grimpés dans les arbres. Et alors la grande question pour nous, on retrouve ça chez Homo lusonensis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces caractères étaient utilisés ou non? Alors là, ça va nécessiter beaucoup plus de travail sur cet aspect-là. Notamment sur la structure des métatarses. Des métatarses, de la phalange. La phalange. Essayer de comprendre... Qui sont un peu courbes. Comment, voilà, qui sont courbes. Les phalanges sont courbes. Encore une fois, on a les insertions des muscles fléchisseurs qui sont hyper développés. Encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire avec des os comme ça, en termes de biomécanique? Comment est-ce qu'on marchait? Est-ce qu'on marchait bien? Est-ce qu'on marchait pas bien? Est-ce qu'on pouvait grimper? Et alors après, la grande question, c'est s'il pouvait grimper, est-ce qu'il le faisait ou pas? C'est encore une autre étape dans l'analyse. Thomas Ngico. Oui, je suis également tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Gilles Berrillon. Une morphologie ne dépend pas forcément d'une anatomie, une locomotion, pardon. On ne peut pas en déduire comme ça une locomotion. Les répertoires locomoteurs sont extrêmement variés dans la nature. L'homme est exclusivement bipède, mais les autres animaux ont des modes locomoteurs très très étendus. Et la bipédie chez les autres primates qu'il a mentionné n'est pas non plus la bipédie humaine. C'est pas une bipédie de longue durée. Les petits singes ne peuvent pas rester très longtemps sur deux pattes, mais ils y arrivent effectivement, ils y arrivent plutôt bien. Donc c'est quelque chose à considérer toujours, surtout quand on a un petit fragment d'os, qu'est-ce qu'on peut en faire dire? Et on peut dire les capacités en fait de l'os en termes de locomotion, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il se déplaçait. Qu'est-ce que j'aimerais que dans cette dernière partie on élargisse un peu à l'ensemble du territoire, qu'on élargisse le champ à l'ensemble du territoire de l'Asie du Sud-Est, hein, je le disais au tout début de cette émission, qu'on est en train de redécouvrir comme un deuxième berceau, un berceau un peu plus tardif de l'évolution de ces différentes espèces dominines. Aujourd'hui, Florent Détroit, quelle est l'hypothèse majeure pour expliquer ces populations endémiques, locales, insulaires? Par où sont-elles venues? Comment sont-elles arrivées là? C'est une grande question. On a des hypothèses. Pour le moment, ça reste des hypothèses. Quelles sont-elles? Comment ils sont arrivés là? Je pense que ça fait aucun doute entre nous tous et nos collègues que l'origine est africaine. Le berceau à de multiples reprises, hein, d'ailleurs, que ce soit les Australopithèques, puis les premiers représentants du genre Homo, puis les premiers Homo sapiens. Tout ça, jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois l'origine est africaine. Par contre, ce que nous indiquent toutes ces découvertes là, qui sont en train de sortir les unes après les autres de ce vaste territoire asiatique qui pendant longtemps a été un peu le parent pauvre, hein, ce sont des territoires immenses, où il y avait relativement peu de recherches comparé à l'Afrique par exemple, mais territoire immense, et là déjà c'est un des premiers éléments de réponse. Si on remonte 60 000 ans en arrière, on se doute que la situation démographique était totalement différente. Aujourd'hui il y a des homo sapiens partout, on prend l'avion, on est à l'autre bout de la Terre en une nuit. Faut imaginer des petits groupes, parfois mobiles, parfois moins. Et les périodes de mobilité moindre, ces petits groupes, ils vivent dans leur coin, on va dire. Alors entre un Denisovien en Sibérie et un Homo floresiensis sur l'île de Flores, voilà, ils vivaient leur petite vie sans avoir même idée que d'autres étaient par là. Donc, petits groupes, isolats, ça nous montre que cette évolution des hommes, il y a encore très peu de temps, a été quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus fascinant que la période actuelle, hein, où on a Homo sapiens partout sur Terre, et puis c'est tout, on est tous pareils. Il y a un peu de Néandertal, il y a un peu de Denisova en nous, mais voilà. Bon, c'est au niveau génétique maintenant. Thomas Ndjigo, quelle est l'hypothèse qu'on a longtemps dit qu'il y avait que sapiens qui pouvait traverser les mers, qui avait les moyens de le faire. Floresiensis, Lucenensis aurait tendance à prouver l'inverse. Alors, on ne le sait pas vraiment. Je vais revenir sur quelque chose qui a été dit plus tôt, sur l'absence des carnivores sur les îles. Les îles sont réellement pauvres en carnivores, la plupart des îles, surtout quand elles sont distantes, en fait, c'est surtout parce que les carnivores ont du mal à nager sur très longue distance. On imagine très bien un tigre dans une rivière en Inde, on a tous vu des vidéos, mais par contre, à nager sur des longues distances, ils ont beaucoup de mal. Les herbivores y arrivent très bien, en fait, tous les ruminants, tous ces animaux qui ont un gros estomac vont très bien flotter, donc nager sur des très longues distances, c'est leur succès pour la colonisation des îles. Si les carnivores n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils nagent très mal sur de longues distances. Donc l'homme est plutôt dans une situation similaire. On sait très bien que l'homme nage très mal sur de longues distances, c'était probablement le cas pour les ancêtres. Comment il arrive là? Alors effectivement, peut-être par bateau. On a longtemps pensé, comme vous l'avez dit, que seul Homo sapiens était capable de naviguer. En fait, on n'en sait rien, pour la simple et bonne raison qu'un bateau, ce sont des matériaux périssables qu'on ne retrouve pas en contexte archéologique, surtout sur des périodes aussi anciennes, s'ils sont vraiment arrivés il y a 1 million d'années ou 700 000 ans. Et par contre, une indication, ce serait de regarder à leur capacité cognitive, c'est-à-dire de quoi sont-ils capables. Et en fait, en Asie, les preuves sont assez maigres. Pour ce qui est du site de Kalinga, nous avons des traces de boucherie sur du rhinocéros et des outils, mais des traces de boucherie en fait sont assez rares en Asie du Sud-Est. Or, c'est par ces moyens détournés, par ces preuves indirectes de la présence de l'homme, que l'on arrive à savoir de quoi ils étaient capables. Même avec les traces de boucherie, on ne sait même pas s'ils ont chassé le rhinocéros ou si c'était simplement du charognage. Donc, vous voyez, nos connaissances sont limitées. Donc, dire qu'ils n'étaient pas capables de naviguer, de fabriquer des embarcations, même assez basique, c'est s'avancer en fait. On peut très bien être démenti un jour ou l'autre, en tout cas moi je serais pas totalement surpris. Une autre hypothèse pour l'arrivée, s'ils n'ont pas la capacité de fabriquer des embarcations, c'est des langues de terre assez massives qui transportent de la faune et de la flore. On a des exemples connus historiques. Par exemple, au Canada, je sais plus en quelle année, il y a des illustrations, alors un dessin qui représente une ville au Canada et sur un fleuve, pour le coup, une large langue de terre qui dérive comme ça et comparée aux autres proportions du dessin, notamment à la gare. Enfin, on voit que c'est une surface énorme et on peut très bien imaginer que des animaux se trouvent là-dessus. C'est quelque chose qui est très bien connu pour les tout petits animaux. On a dit que les très gros animaux peuvent nager. Les tout petits, comme les lézards, les rats, eux, vont très bien être sur des morceaux de bois qui flottent et qui dérivent au gré des courants. Et pour les langues de terre plus importantes, ce sera plutôt au gré du vent, qui est extrêmement important. Hein. À partir du moment où vous avez des arbres dessus, eh bien, comme un bateau, vous allez dériver en fonction du vent. Donc c'est une autre hypothèse qui est proposée pour l'arrivée de ces hommes sur ces îles. En fait, on ne le sait pas encore, tout ça, c'est des hypothèses. Mais tout est possible. Ouais, on le sait pas. Trois, oui. On le sait pas, mais si on reprend ces découvertes, donc on a Lucenensis, 700 000 ans, il y avait l'homme. Flores, 1 million d'années, 700 000 ans, il y avait l'homme. Sulawesi, 300 000 ans, il y avait l'homme. Alors, accident. L'homme, on parle de quel homme déjà? Alors, on parle de ça, quel homme? C'était une question, parce qu'on a des traces de boucherie, ça nous indique pas on va dire qui tenait le couteau. On va dire peut-être Homo erectus, mais alors là, pour le coup, on n'en a aucune idée. À Flores, à 700 000 ans, ils ont déjà quelque chose qui ressemble à de l'Homo floresiensis. Donc, effectivement, on ne sait pas trop. Homo erectus, ouais. Mais si on accumule tout ça, alors effectivement, une arrivée accidentelle, pourquoi pas? Mais une arrivée accidentelle à trois reprises, enfin sur trois îles différentes, oui, et forcément à plusieurs reprises, puisque pour coloniser une île, pour qu'on en retrouve les traces un million d'années après, ça veut dire une vraie présence, ça veut dire une population installée. Pour installer une population, il suffit pas d'un Adam et une Ève qui arrivent comme ça. Il faut des arrivées répétées, des hommes, des femmes, un petit pool génétique jusqu'à fonder une population viable. Donc, on a au moins trois exemples qui montrent que ça s'est, en Asie du Sud-Est, hein, que ça s'est passé bien avant Homo sapiens. Donc, effectivement, c'est pas une preuve directe, mais il y a quand même un gros soupçon que peut-être que ces Homo erectus étaient peut-être pas si effrayés que ça par la mer. Hein. Mais même pour Homo sapiens, c'est loin d'être aussi simple. Les preuves à 60 000 ans en Australie, on ne sait pas exactement comment ça s'est arrivé. Suppose, on est presque certain qu'ils ont pris la mer, mais on ne sait pas quelle était leur capacité à naviguer. Il y a des hypothèses divergentes. Certains pensent qu'ils ont suivi la côte, ils ne sont jamais trop éloignés. D'autres pensent qu'ils ont pris la pleine mer. Et là, pareil, on n'a pas de reste de bateau, donc on va regarder les coquillages, les restes marins, les poissons, et voir s'ils ont été capables de pêcher très loin. C'est un sujet d'actualité, hein. Je le dis parce que j'ai une étudiante actuellement en thèse là-dessus, qui s'appelle Clara Boulanger pour ne pas la citer, et qui travaille là-dessus. Et donc, vraiment, c'est un sujet d'actualité. On cherche à comprendre quelle était leur capacité à prendre la mer. Donc, alors, pour des espèces autres comme Homo sapiens, c'est toute une autre question. Oui. L'autre question qui se pose, c'est la question à l'autre bout. Pourquoi ces espèces endémiques, protégées, se sont-elles éteintes ? Florent Détroit. Très, très souvent, elles ont disparu à l'arrivée d'Homo sapiens. Ce petit environnement, ce petit laboratoire d'évolution naturelle qui est une île, là, dont on a expliqué les différents mécanismes évolutifs précédemment. Ces animaux arrivent, subissent des contraintes très, très particulières, très spécifiques aux îles, et donnent souvent ces formes, ces espèces étranges, différentes, très différentes des congénères restés sur le continent. Et tout ça recrée un équilibre, on en discutait il y a pas très longtemps d'ailleurs avec Thomas, recrée un équilibre qui est propre à chaque île. Et c'est un équilibre qui est évidemment très très fragile. Et il suffit du moindre élément perturbateur pour le faire s'effondrer. Et on constate, alors, pour Homo sapiens, c'est clair, presque à chaque fois qu'Homo sapiens arrive quelque part, ça a fait du mal. Mais c'est pas la seule raison. Il y a des choses qui se sont produites, des extinctions qui se sont produites bien avant ou indépendamment de l'arrivée d'Homo sapiens. Mais c'est vrai que l'arrivée d'Homo sapiens, souvent, a beaucoup déséquilibré, volontairement ou involontairement. Hein. On est une espèce qui a besoin de beaucoup de ressources, donc on est très, très demandeur. Donc voilà, ce sont des équilibres fragiles. Après, en Asie du Sud-Est, on est dans un contexte environnemental un peu particulier. Ce sont des îles tectoniques, donc vous avez beaucoup de volcanisme, donc des environnements qui bougent en permanence, et assez violents. Sur l'île de Flores, par exemple, vous avez Homo floresiensis dans la stratigraphie, dans les niveaux sédimentaires, dans les couches, depuis 90 000 ans jusqu'à peut-être 20 000 ans, et puis 60 000 ans maintenant, c'est parce qu'ils ont publié une nouvelle date, ils ont changé les âges. Ouais. Et puis vous avez un niveau de cendres, et juste après vous auriez Homo sapiens. Donc est-ce que c'est l'arrivée d'Homo sapiens, est-ce que c'est les cendres? Est-ce que l'éruption volcanique a réduit la population, puis Homo sapiens est arrivé à donner un coup de grâce à cette population réduite? Enfin bref, là aussi on peut discuter. Est-ce que l'endogamie, la faible diversité génétique, ça peut aussi conduire finalement petit à petit à un appauvrissement du patrimoine génétique et donc à une disparition à terme? Oui, c'est certain. Et comme le disait Thomas, il suffit d'un petit déséquilibre ou d'un événement un peu fort, donc un tremblement de terre, une éruption volcanique, des populations faibles, petits effectifs, avec des caractéristiques très très très très particulières, sont très sensibles, donc éventuellement peuvent disparaître. Quelle est la suite maintenant? Donc vous l'aviez annoncé, il y a une nouvelle espèce donc découverte dans ce berceau de seconde intention, j'ai envie de dire, qu'est l'Asie du Sud-Est. Ça veut dire que on peut imaginer découvrir d'autres espèces qui auraient dérivé génétiquement sur d'autres îles. Il y a tout de même entre la masse africaine et ces îlots asiatiques, hein, on a l'impression, hein, qu'il y a un grand vide, Thomas Njiko, l'Inde, qui manque des traces un peu de ce parcours. Oui, on a parlé d'îles, et donc à chaque fois que vous avez un isola, vous avez potentiellement une population qui évolue sur sa propre lignée. C'est en fait possible aussi sur le continent, puisque par isola, vous avez aussi des isolas géographiques, un environnement très froid, un environnement très forestier, et vous ne traversez pas d'un environnement à l'autre. Donc à partir du moment où vous êtes isolé, vous pouvez aussi potentiellement trouver une population qui évolue spécifiquement et donne naissance à une nouvelle espèce. Oui. Plan des trois. Oui, je pense que ça fait aucun doute si, espérons-le, les recherches sur le terrain continuent à se développer sur le continent asiatique, on continuera à trouver des choses nouvelles, en particulier des nouvelles espèces. Et dans le cas des îles sud-est asiatiques, je pense que ça fait aucun doute. Encore une fois, hein, si on fait le parallèle avec les petites îles de Méditerranée jusqu'à il y a très peu de temps, jusqu'à il y a moins de 10 000 ans, si on prend juste le cas des éléphants, dans chaque île, on a des éléphants qui sont plutôt petits, mais ils sont tous différents, ils ont tous été décrits comme appartenant à des espèces différentes. Donc ça fait, sur toutes ces petites îles, chaque île avait son espèce d'éléphant. Alors je vois vraiment pas pourquoi ce serait pas le cas pour l'homme, hein. Vous continuez à travailler l'un et l'autre à Kalinga ou à Kalao. Il y a encore des recherches en cours. On peut attendre encore d'autres choses, d'autres fossiles. Thomas Njiko. Oui, moi je pars dans 15 jours aux Philippines pour fouiller pendant un mois. Et maintenant on cherche les restes humains pour essayer de faire le lien avec cet Homo lusonensis et voir si on a des choses similaires. On a les traces de découpe, on a les outils. On va, si on a un peu de chance, trouver les restes humains. Plan des trois. Kalao, les recherches continuent aussi. Kalao, on les avait mis en pause le temps de publier. Hein. Les dernières grandes fouilles, c'était en 2015. Et là, on s'était dit, bon, il faut être sérieux, il faut publier. Donc, on avait mis ça en pause. Je pense qu'on va essayer de refaire un petit projet. Et ne serait-ce que pour vérifier certaines zones de la grotte où on n'a pas encore fouillé. On verra ce que ça peut donner. Après, l'avenir est ouvert. Il y a des sites partout. Donc, comment on sélectionne un nouveau site, par exemple? Qu'est-ce qui... Alors ça, c'est la grande question. Ouais. Comment on sélectionne un nouveau site? Il faut un peu de nez, mais plus sérieusement, c'est l'affaire de repérage. On prospecte, et puis après on fait des tests. Et puis la plupart du temps, ça donne rien. Hein. Ça donne rien, donc c'est pas publié. Personne n'est au courant. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit, oh, quand même, la chance que vous avez eue. Comment vous avez pu creuser juste à l'endroit des fossiles? Parfois, les collègues se rendent pas compte que derrière ça, il y a 20 ans de recherche qui n'ont pas donné des choses aussi spectaculaires. Donc personne n'a entendu parler. Donc la plupart du temps, on trouve pas grand-chose, ou alors on trouve des choses, mais qui produisent la base de nos connaissances en préhistoire, mais qui sont pas forcément spectaculaires, jusqu'au moment où on trouve un site où là, il y a des choses vraiment intéressantes et qui vont permettre de faire parler de nos recherches. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de vos recherches. Il est probable que nous reparlions de paléoanthropologie en général et de Denis Auvent en particulier dans les jours qui viennent, mais on va attendre encore quelques heures avant de trouver justement un peu des traces dans cette Asie si dépeuplée. Merci beaucoup Florent Détroit, merci Thomas Njiko d'être venu nous parler de vos recherches. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Éléonore Pérez, Tom Mindenstock, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Émilie Vallard à la réalisation et Ludovic Auger à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain nous parlerons de l'autre grande information scientifique de ces dernières semaines. Émission spéciale demain consacrée à M87 étoiles, ce trou noir supermassif dont la photo a été révélée il y a 15 jours, le même jour finalement que Homo lusonensis. Que nous apprend ce trou noir supermassif sur la structure des galaxies et comment confirme-t-il la théorie de la relativité générale? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.